Flirter avec la mort. Est-ce possible? Est-il possible de rencontrer la grande faucheuse et de lui échapper? Est-il possible de partir dans l'au-delà et d'en revenir? En tout cas, si l'on flirte avec la mort, cela doit au moins changer votre vie. Ernesto Perdrigon marche d'un bon pas pour rentrer chez lui. Il est presque 2 heures et c'est l'heure d'aller déguster un cocido que son épouse Asuncion fait mijoter depuis ce matin. Nous sommes en août 1967, le temps est beau. Ernesto, solide fermier d'Aragon, se sent au mieux de sa forme. Sur la route devant lui, une voiture de sport arrive à grande vitesse. Soudain, le soleil se reflète dans le pare-brise de la voiture et Don Ernesto est aveuglé par le rayon de soleil. « Ay, madre mia! Qu'est-ce qui m'arrive ?» Ernesto Perdrigon n'aura pas le temps de se poser d'autres questions. Il s'écroule d'un seul coup, au bord du chemin de campagne, à une portée de pierre chez lui. Heureusement pour lui, Antonio Sanz, son domestique, valet fidèle depuis plus de 20 ans, l'a aperçu sur le chemin. Et soudain, plus personne. Antonio appelle la signora Perdrigon. Je viens de voir Don Ernesto sur le chemin. Il devrait être arrivé et je ne vois plus personne. Je me demande où il est passé. Eh bien, va donc voir un peu ce qui lui arrive. Il n'y a pas un arbre jusqu'au carrefour. On ne sait jamais. Et la signora soulève le couvercle pour vérifier l'onctuosité de son cosido, tandis qu'Antonio part aux nouvelles. Il revient en courant 10 minutes plus tard. Donna Asuncion, vite, venez! Ou plutôt non, appelez un médecin, une ambulance! Don Ernesto, je l'ai trouvé étendu, raide, au bord du chemin, il ne respire plus! J'ai bien peur qu'il soit mort. Mais où est-il? Au premier tournant, près du petit pont romain, il faut faire vite! Antonio, je vois la camionnette de Guillermo qui arrive! Dis-leur d'emmener mon mari à l'hôpital de la Granja! Et c'est ainsi qu'Ernesto Perdrigon arrive à l'hôpital moins d'une demi-heure après avoir perdu connaissance en plein soleil. Antonio l'accompagne. Donna Asuncion arrive 1 heure plus tard. Le médecin prend le visage de circonstance pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. « Je suis désolé. Il était déjà trop tard. Il a dû faire une embolie foudroyante. Quand il est arrivé ici, il était déjà mort. Je vous présente mes condoléances. » Donna Asuncion se laisse tomber sur la banquette la plus proche. Elle ne réalise pas tout de suite son malheur. Il reste les yeux fixes, sans même une larme. L'infirmière en chef s'approche et dit doucement « Pour l'instant, étant donné la chaleur ambiante, nous allons garder la dépouille de votre mari. C'est mieux. » Donna Asuncion fait un signe de tête pour approuver cette décision. Et quelques minutes plus tard, Ernesto Perdrigon est étendu sous un drap blanc dans la morgue de l'hôpital en attendant qu'on lui attribue un tiroir. On le munit d'une étiquette portant son nom et le voilà officiellement parti pour l'autre monde. Quand le lendemain, Asuncion Perdrigon se présente à l'hôpital, la surveillante dit « Veuillez me suivre, je vais vous accompagner ». Mais quand le préposé à la morgue les fait entrer dans la pièce où règne une fraîcheur sinistre, il est impossible de trouver la moindre trace d'Ernesto Perdrigon. « Enfin, ne me dites pas que vous avez égaré le corps de mon pauvre mari! Enfin, depuis hier, c'est un comble !»« Mais enfin, c'est à n'y rien comprendre. Il est la seule personne qui soit arrivée hier. Tenez, il était là, sur ce brancard. Il y a encore le drap qu'il recouvrait. Tenez, regardez ce qu'il y a par terre. L'étiquette portant son nom, son âge, la date de son arrivée. Eh bien alors, où l'avez-vous mis ?» On aura la réponse à cette question que 3 heures plus tard. Quand Donna Asuncion rentre chez elle, elle croit mourir de frayeur, là, assis tranquillement, au milieu de la grande salle. Ernesto est en train de déguster un bon verre de cognac. Il s'exclame « Ah, c'est toi! Tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver !»« Ernesto, tu es vivant ?»« Ben voilà une question !»« Mais figure-toi que j'allais franchir le petit pont romain quand une voiture est arrivée. »« Alors, le soleil ?»« Ben, je me souviens plus de rien. » Je me suis retrouvé à l'hôpital dans une pièce sinistre où il faisait un froid de canard. Je ne sais pas pourquoi il m'avait mis un drap rabattu sur le nez et pas la moindre couverture. Alors je me suis levé, j'ai appelé un taxi, puis me voilà. Et toi, où étais-tu passé? Quand Asuncion lui raconte ce qui est arrivé, Mais Ernesto prend la chose du bon côté. Oh, la Camarde a essayé de m'avoir, mais elle a raté son coup. Il ne faut pas croire que je vais mourir comme ça pour un coup de soleil dans l'œil. Dans les mois qui suivent, Ernesto dit à Asuncion, tiens, pour fêter ma résurrection, je t'offre une soirée au théâtre, à la Grande Rat. Il y a un gala samedi prochain, une troupe de Madrid qui vient interpréter la Verbena de la Paloma avec Raquel Cancher en vedette. Asuncion est ravi d'assister à une zarzuela, ce style d'opérette espagnole qui réunit avec entrain musique, couplet dramatique et costume charmant. C'est au cours du second acte que l'incident survient. Ernesto est installé avec son épouse dans une loge d'avant-scène, des lumières brillent, et Ernesto laisse son regard se fixer sur un des cuivres de l'orchestre. Ce cuivre brille sous les projecteurs, il brille. Mais mon Dieu, Ernesto, qu'est-ce qui t'arrive ? Asuncion n'obtient aucune réponse. Ernesto vient de glisser au bas de son fauteuil, blême, sans vie. Il est mort, je le crains. C'est ce que déclare le médecin de service en examinant le corps d'Ernesto que les ouvreuses ont traîné dans le foyer. Cette fois-là, on est en plein hiver. C'est donc chez lui qu'on ramène Ernesto et on l'installe comme il convient sur le lit conjugal, les mains croisées, un rameau de buis béni entre ses doigts raidi par la mort. Donna Asuncion revêt des vêtements de deuil et on attend le moment de la mise en bière. C'est au moment où le fabricant de cercueil vient prendre les mesures du défunt Ernesto que celui-ci se relève avec un grand soupir. Bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ce cinéma ? Et il comprend d'un seul regard. Oh non ! Ah, ne me dites pas que je viens de mourir une fois de plus ! Et puis il réfléchit. C'est bizarre. J'étais en train de rêver que j'étais dans une file de gens. Nous attendions devant une porte illuminée pour entrer. Mais quand mon tour est arrivé, une créature lumineuse m'a fait signe que non. Et je me réveille ici. Asuncion ne sait que répondre. De toute manière, elle pleure à chaudes larmes. Et Ernesto dit, et à propos, la verbena de la Paloma, ça t'a plu ? Ah, parce que tu crois que je suis resté à regarder la fin du spectacle pendant qu'on emmenait le cadavre de mon mari ? Oui, mais c'est vrai, j'étais mort. Je n'arrive pas à me faire à cette idée. Et Ernesto se met pourtant à réfléchir. J'ai eu deux fois le même problème. Deux fois, je perds connaissance et l'on me croit mort. Et les deux fois, cela arrive juste au moment où une lumière particulièrement vive me vient en plein dans l'œil. Ah, il faut absolument que je me méfie. Peut-être serait-il plus prudent de porter des lunettes noires en permanence. Le docteur Raphaël Gutiérrez, le médecin de la famille, arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un phénomène d'hypnose. Vous savez, Don Ernesto, en Inde, les fakirs hindous arrivent à des résultats surprenants en pratiquant sur eux-mêmes l'hypnose. On dit qu'ils parviennent à sortir de leur propre corps. Ils sont en état de mort apparente et, paraît-il, ils parviennent à se déplacer par l'esprit. Don Ernesto se met à rire. Ça doit être bien commode. J'irais bien faire un petit tour à Barcelone, il y a un quartier où j'ai repéré quelques belles petites pouliches joliment bien tournées. Si je viens les voir en esprit, elles n'ont rien à m'offuser. Ça me coûtera pas cher. C'est à partir de cette conversation que Don Ernesto est sérieusement tenté d'expérimenter sciemment ce phénomène d'hypnose, en prenant un maximum de précautions, bien sûr. Mais il hésite encore car il est incapable de mesurer les conséquences d'un nouvel état de mort apparente. Tiens, ma chérie, regarde. J'ai rédigé un petit carton que je porte bien en vue à l'intérieur de mon portefeuille. Écoute. Le porteur de cet avis, Don Ernesto Perdrigon, est sujet à des états cataleptiques accidentels qui présentent tous les symptômes de la mort apparente. Si tel est le cas, veuillez contacter le docteur Gutiérrez à la Grande Rat ou l'hôpital de la ville, service du docteur Benavente, avant tout permis d'inhumer. Et j'ai mis notre numéro de téléphone. Don Ernesto Perdrigon a bien fait de rédiger ce petit avis qu'il porte toujours sur lui, car il va à nouveau tomber en état de catalepsie profonde. La troisième fois a lieu lors d'une corrida, quand une des trompettes de la banda lui envoie un grand coup de soleil dans l'œil. La quatrième fois est provoquée par une porte en miroir à l'entrée d'un immeuble moderne. La cinquième a lieu devant la télévision. La sixième au cours d'un examen chez son ophtalmologue. La septième en contemplant un vitrail frappé par le soleil à l'intérieur de la cathédrale. La huitième, simplement en regardant le feu qui flambe dans la cheminée. Cette fois-là, Don Ernesto reste 4 jours sans reprendre connaissance. Les médecins se montrent particulièrement inquiets. Donna Asuncion, quand Ernesto se réveille, exige que son époux se fasse examiner sous toutes les coutures. Il faut savoir ce qui te provoque ça. Don Ernesto se soumet à toute une batterie d'examens, mais on ne découvre rien d'anormal dans son métabolisme, pas plus que dans ses fonctions vitales. Les examens du cerveau ne révèlent rien d'anormal. Ce qui finit par énerver Don Ernesto, c'est que à chacun de ses retours à la conscience, il a la sensation d'être bredouille. C'est comme si je partais pour explorer la Lune ou Mars et qu'à chacun de mes retours sur Terre, je revenais sans en savoir plus. Je me retrouve toujours devant cette fichue porte. Une lumière aveuglante en sort. Ceux qui y pénètrent sont comme absorbés par un grand feu. Il n'y a ni son ni odeur. Personne ne semble avoir peur, au contraire. Mais je n'approche jamais assez près pour apercevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le docteur Gutiérrez lui dit « J'ai l'impression qu'à chaque fois, la mort se décourage un peu. Vous allez finir immortel. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand les gens du coin vous croisent dans la rue, ils font un signe de croix. »